60 et 10% pour 100%. 60 et 10% pour 100%. J'aurais du classable le moins. Moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70 pour 100%. 70 pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, j'avoue présentement 70%. Bonne écoute. Salut tout le monde, c'est Ami Godette qui vous parle en direct du Musée de l'Absurde. Je suis très content, car je suis heureux d'être content avec de la joie. Ouais, va dans la bannière en bas, fond d'écran, c'est ça? Va-t'en en bas, mon cher Boudreau, puis tu vas trouver la fontaine de jambon. Deux plus haut. Est-ce que ça va être beau? Fait go! Gaga. C'est la fabuleuse fontaine de jambon, bien sûr. C'est le symbole de l'unité de douteux.org et de tout ce qui est important. C'est une des plus belles choses que j'ai fait de ma vie. C'est grâce à cette fontaine-là que le 25 mai est maintenant la fête du jambon et l'anniversaire de douteux.org, ce qu'on a fêté la semaine passée un petit peu en retard. Je vous en parle encore un petit peu parce que cette semaine, on n'a pas d'invités. On a seulement des chroniqueurs, on a des recrues, on a des gens d'expérience. On a même du monde qui sont allés au E3 puis qui nous ont ramené des images compromettantes. J'ai entendu dire que le plus gros univers de toute l'histoire des jeux vidéo a été créé 14 fois par 13 compagnies différentes la même année. Donc, ça va être quand même un 70% hors limite. On a Stéphanie Gallagher qui est une nouvelle. Elle m'a dit qu'elle était pour parler de coupe de cheveux de personnages de jeux vidéo. Déjà, on n'en peut plus. On a Marianne qui va être là aussi pour sa chronique des bonnes nouvelles. On change le monde, quelque chose comme ça. Hein? C'est comment t'avais dit ça? Aujourd'hui, on change le monde parce que demain, il va être trop tard. Et sinon, ben, il y a Mathieu Boudreau qui, j'ai entendu dire, toi, ça allait pas payer cette semaine. Il s'est pogné une job, voilà. Tout va pour le mieux. Guiz est de retour du E3. On a Bruno aux nouvelles avec en manchette ce soir. J'ai vu des ribs et puis des gens spéciaux. Est-ce qu'on a un vol de dépanneur, Bruno? Presque un vol de dépanneur. Vous savez comment j'aime ça, les vols de dépanneur. Et sinon, ben, il me semble que j'oublie quelqu'un, là. On a deux charmantes invités, Stéphane qui est revenu de voyage, tout va bien. Ah, j'ai oublié de parler de Nights, c'est le film duquel je vais m'entretenir et qu'on va écouter un petit peu partout au Québec. Nights, c'est un film de Albert Pyun de 1993. C'est spécial, Nights. On va en parler plus tard dans l'émission. Sinon, ben, on va commencer avec un clip qui me touche particulièrement. Vous savez, j'ai une fibre geek qui est quand même assez puissante, pour ne pas dire crissement. Mon jeu préféré de tous les temps, moi je suis un amateur de jeux de stratégie et de puzzle game, et c'est pour ça que mon jeu préféré de tous les temps, c'est Smash Bros. Et Smash Bros, il va avoir un nouvel opus bientôt, et on a maintenant, juste pour vous, en fait c'est comme le trailer, ça va nous donner ici le temps de finir de se préparer pour un 70% dans lequel tout le monde va être léger, relax, donner son strict minimum, et faire son possible, mais tu sais, comme on l'aime pas trop. Fait que là-dessus, mon cher Boudreau, fais ta première shot, salut Fontaine de Jambon! À l'année prochaine, bye! Thank you. OK. Là, ça veut dire qu'il va y avoir deux Smash Bros. D'un coup. Ils sont supposés être compatibles les deux, intercompatibles 2014. En fait, c'est vers la fin de ce clip de 4 minutes-là qu'il y a la plus belle surprise de l'assemblage. Oui, je me touche en parlant. On est à 70%. We will open the official Smash Brothers website and Universe community after the conclusion of this Nintendo Direct. Lui, ça nous dérange pas super gros ce qu'il dit, fait que là, on sait qu'on va pouvoir jouer avec Mega Man dans Smash Bros. Et on se touche tous ensemble. Là-dessus, regardez ce que j'ai trouvé, comment c'est beau. Sur douteux.tv, les manchettes internationales, avec moi, toi, toujours plus de Corbin, j'ai eu chaud. Oui, alors tout de suite, avec 9 condamnations à son actif pour vol, tentative de vol, voie de fait, délit de fuite et possession de cocaïne, Willie Wildsmith se croyait probablement invincible lorsqu'il est entré dans une épicerie de Waco, Texas pour y voler un rack de côte levée d'une valeur de 35$. Un employé ayant aperçu la bosse laissée par sa pitance dans son survêtement l'a poursuivi dans le stationnement. Ward a alors échappé son butin, poussant l'employé à lui poser la question « As-tu autre chose dans ta veste? » Ce à quoi le criminel répondit « J'ai un couteau. » Et voilà. C'est cool, ça. Cette simple affirmation venait de transformer une amende en crime grave. Des petites erreurs, des fois. Hein, Devils in the details. Voilà. Ouais. Ward, qui n'a jamais montré son couteau, s'est alors sauvé en courant et a été arrêté quelques coins de rue plus loin, comme ça arrive à chaque fois. L'homme de 41 ans a été... L'homme de 41 ans a été condamné à 50 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle avant d'avoir servi au moins un quart de sa sentence. Mais voyons donc! Oui. C'est un rack de côte levée. Oui, l'assistant du procureur est content de cette sentence et affirme qu'elle démontre que les citoyens de ce comté ne tolèreront plus le manque de respect des autres et de leurs propriétés. Il parlait de son frère, sûrement. Il y a comme un arrière-goût dans ça, pareil. Hein? Oui. On ne tolère plus le... Ouais, c'est ça, ouais. c'est ça. J'aime ça le montage photo avec le rack avec de le rack de côte levée, ouais. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas grave, t'as trouvé ce qu'il fallait. Là-dessus, passe dans la prochaine. D'accord, une femme de 74 ans était en voiture avec ses deux fils quand la police les a arrêtés pour une vérification de routine, pardon. Prise de panique... Vu la quantité considérable de drogue illégale stachée dans la dite voiture, la femme a décidé de tout avaler, dans une tentative désespérée de sauver ses fils de la prison. Les policiers ont vite remarqué l'étrangeté du comportement de la dame. Lors de l'interrogatoire, inquiet pour sa santé, ils ont décidé de la transporter à l'hôpital où les médecins n'ont pas réussi à la réanimer. Lors d'une fouille de la résidence des deux fils, 561 grammes de méthamphétamine, 40 grammes de cocaïne et 19 grammes de hashish ont été trouvés. On sait pas combien qu'il y en avait dans le char, là, mais on imagine qu'elle a avalé un petit peu de toutes ces affaires. Ça apprécie de mix, mon gars. En tout cas, on est content de pas être son estomac. Une mère courageuse. Son cerveau. Une mère courageuse. Ouais, ouais, son... j'avoue, son siège. Une maman ours devant les loups. J'aime ça, Mathieu. Ça, je me sens poétique aujourd'hui. Une maman grizzly. Hey, t'en fais-tu une autre? Mm-hmm. Après ta gorgée, on voudrait pas te brusquer. Je pensais que vous parliez. Je veux pas vous interrompre. Ben non, croyant probablement faire une blague hilarante et n'ayant pas totalement tort, Caitlin Booth, une étudiante de Columbia au Missouri, qui était sur le comité de l'album, définissant à son école, a décidé de changer le nom d'une autre étudiante pour Masturbate dans l'album. Le coût a affecté quelques 720 albums et leur remplacement en aurait coûté 41 000 $. Ah, ouais. une décision de dernière minute a été prise de coller des collants dedans à la place. La victime, Reagan Mastain, a affirmé qu'elle était un peu agacée par les actions de Caitlin, mais que c'était pas si pire que ça. Elle espère que la réputation de sa camarade de classe ne sera pas entachée à jamais à cause de cette mauvaise blague. Caitlin Booth devra servir une sentence de 50 ans de prison. Non, c'est pas elle, ça. Elle fait quand même face à des accusations criminelles. Dans une école au Texas, on a eu des problèmes semblables. Cette fois-ci, c'est la description d'une photo de l'équipe de cheerleaders sur laquelle une d'entre elles a été renommée Ugly Hole. Ugly Hole. L'école mène l'enquête. Ah ben oui, parce que là, c'est le temps de dépôt, en plus. Là, voilà. On est à la fin de de l'année scolaire et tout. Ah, merci beaucoup, Bruno. Ça fait plaisir. Hey, on va s'en va écouter un petit clip là, pour tasser ça entre Mathieu Boudreau et notre excellent Bruno Corbin. Comme je suis humble, ça va être moi qui va parler encore. On est à 70%. Alors, commissaire, est-ce que le ventriloque éventreur a confessé? Non, capitaine, mais un de nos inspecteurs vient de livrer des aveux complets. C'était deux jeunes filles qui voulaient devenir camion. Ouais, l'hiver va être long cette année. Les guêpes ont fait leur nique. Oh! Ouais, l'hiver va être long cette année. Les vieux, ils ont le moral bas. Donc, c'est une étudiante qui parle avec son professeur et le professeur lui dit « Écoute, ma grande, t'as de la misère dans tes notes ces temps-ci. Qui t'aide à réviser à la maison? » « C'est mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère. » Ben voyons, ça se peut pas. Ben oui, ça se peut. Le gars, la femme... Regarde, là-bas, des chevals. Mais non, on dit des chevaux. Ah ouais, mais ça a vraiment l'air d'être des chevals. Il, un gros gorille, il est dans un zoo. Là, il y a un petit monsieur qui arrive à côté de la cage, puis regarde le gorille, tu sais, puis il y a un arbre à pêche, un pêchier à côté. Puis là, le gorille ramasse une pêche. Puis là, il sort le noyau de la pêche. Fait que là, il prend le noyau, il se le met dans les fesses. Là, il sort le noyau, avale le noyau puis la pêche. Ah ben, Colin. Puis là, le gorille prend une autre pêche, sort le noyau, se met le noyau dans les fesses, avale les deux d'affilée comme ça. Ah ben là, voyons, qu'est-ce qui se passe, là? Il appelle comme ça, puis il y a un employé du zoo qui arrive, puis il dit « Oui, monsieur, ben regardez, le gorille leur fait la même affaire encore. » Il dit « Ah, ben là, c'est normal, c'est parce que, là, deux semaines, on a été obligé de faire venir le vétérinaire parce qu'il y a un noyau qui a pas passé. » Fait qu'à ça, il est test avant. « le 24 juin prochain, Canal D vous... Tommy, Bruno, à la maison, Mathieu, Colin, t'as l'air tout souriant, pimpant. Ben oui, ça va bien. As-tu pris du je poids? Je sais pas. Non, j'ai pris de la drogue. Taquin. Hey, cette semaine, j'ai fouillé une job. Hein? Je fouillais après une job, fait que j'ai épluché les petites annonces, hein, les pancartes dans les vitrines, les annonces sur les babillards. Ça n'a pas été long que je me suis fait confisquer mon épluche patate par les autorités locales. Tu sais, dégradation du bien public, qu'ils disent. Là. Ouais. Bon, naturellement, il y a assaut sur un agent de la paix, entrave au travail des policiers. Puis si tout va bien, je devrais me récolter un petit outrage au tribunal hein, la semaine prochaine. Si tout va bien! on y va fort, tu sais. La recherche d'emploi, hein? Ben, c'est rough. Puis ben, c'est ça, hein, à part 7-8 policiers puis un juge, j'ai pas ben agressé de monde cette semaine. Pour être honnête avec toi, trop occupé par ma recherche d'emploi. C'est un 40 heures que j'ai fait cette semaine sur une job que j'ai même pas encore trouvé, tu sais. Ouais, je comprends. Ouais. Même mon fils, hein, je l'ai négligé pas mal dans son éducation, là. En même temps, je te pose la question, hein. Un bleu sur un bleu, c'est-tu vraiment utile? j'ai pas la réponse. Mon père, il disait, quand il vieillit, moins de coups, plus précis. Il n'y a pas tort, le bonhomme. Je le sais, Tommy, que tu cherches une job, tu sais. Fait que j'ai un petit conseil pour toi. J'ai pris de l'expérience cette semaine. Fait que habille-toi propre, tu sais. OK. Le monde n'aime pas ça quand tu portes un vieux t-shirt. On peut clairement distinguer de la sauce barbecue, du sperme, du vomi puis de la moutarde. Ils ont l'impression que t'es comme pas professionnel dans ton approche. Ouais, ben on peut pas leur en vouloir trop là-dessus. Ouais. Ben sinon, hein, ben arrive pas en retard. T'as l'air d'un retardataire, tu sais. Ouais. Puis si t'es en retard, ben tu sais, invente un bon mensonge. Là. Mon chien a mangé mon imprimante, c'est pas très créatif. Puis apporte ton CV, là. Je veux dire, c'est la moindre des choses. Là. J'ai perdu mon CV dans un bar sur Saint-Denis. C'est pas ben responsable, Tommy, tu sais. Dans le fond, le mélange dormir dans une ruelle, linge crotté, puis swing, vieux pénis, ça déconcentre l'intervieweur, puis il risque comme de moins voir ton dynamisme et ton côté proactif là, qui font de toi un employé professionnel, créatif, responsable et ponctuel. J'aime ça ton choix de mots, c'est vrai. Souvent dans un CV, on en met plus qu'on... Ouais, mais dans le fond, ce que je veux te dire par là, Tommy, c'est passe donc pas 72 heures à te saouler pour faire de la dope avant ton entrevue, tu sais. C'est ça que je veux te dire. Parce que moi, ça a jamais marché, tu sais. La seule job que je me suis ramassé en agissant comme ça, c'est figurant dans les différentes prisons du Québec, tu sais. Ben non, mais c'est pas que c'est pas le fun, là, faire de la prison, là. T'apprends les trucs du métier, tu revois des vieux chums, tu sais. Mais pendant ce temps-là, tu sais, c'est qui nourrit mon enfant, tu sais? Parce que quelque part, tu sais, il est seul dans sa cage. C'est ça. Il y a personne qui va venir le chercher, il l'a assez cherché, ils l'ont jamais trouvé. En dedans, dépendant de ton expérience, tu fais entre 5 et 25, puis 6 et 90 par jour, là. Définitivement, tu ne nourris pas un enfant dans de telles conditions, hein? C'est ça. C'est clair qu'être prisonnier, c'est pas une job payante. T'en fais pas un métier, c'est comme plus un passe-temps, tu sais. Petite phrase. J'ai essayé mille et un métiers, tu sais. Mon père, il disait, hein, une job, c'est comme une femme, faut que tu sois à l'aise dedans, tu sais. Bam! Pis moi, ben, ce que j'aime, c'est péter des affaires, là, détruire en général. Y a peut-être quelque chose pour moi dans la démolition, Tom. J'y crois. Le seul problème, c'est un peu mon incapacité à ne pas éclater quelqu'un quand j'ai une pelle, une pioche ou n'importe quoi dans les mains qui risque de blesser un autre être vivant. C'est comme un mouvement naturel d'attraction-répulsion, puis ça, ben, c'est de l'ordre du cycle de la vie. Parfois, tu parles au mauvais gars. Ben, avez-vous envisagé des pistes de solutions? Genre, on peut te faire travailler de nuit avec des chantiers fermés. Oh, on a tout essayé. Des fois, ils mettent des pitbulls dans un chantier pour le protéger, genre. Pis... Ah, ouais, ouais, ça pourrait être pas pire, ça. Mais j'ai pensé à mon affaire. Oh. Parce que là, le maire par intérim là, de notre cher Montréal, il vient de se faire arrêter, là. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui est surpris, là, mais t'es un peu calme. Attends, là, la politique municipale est corrompue. C'est là où je voulais en mettre. Brasse la caméra un peu, brasse la caméra un peu. Merci. T'sais, Tom, quand tu peux faire une phrase avec politicien, collusion, norme, puis crise de salle, puis t'as raison de le faire, la vie est un peu magnifique, hein? On se le cachera pas, bon, ça nous fait tout plaisir. T'sais? On le savait, dans le fond, tu sais. Ouais, j'avoue. Sauf qu'en même temps, tu sais, c'est ça. Je vais me trouver une job, parce qu'avec tout le monde qui se fait arrêter par l'UPAC ces temps-ci, moi, je pense pas pouvoir travailler en prison cette année. Il y a bien trop de monde, ça va être le bordel. Mais c'est pas grave, hein. Il va y avoir de la place en politique municipale, fait que c'est là-dedans que je m'en vais. Puis trop content. Ah ouais, t'es... Fait que ton conseil final, c'est viens-t'en avec moi en politique municipale. Voilà. Vote pour moi, un marteau par famille. Si t'es pas content, mange la menthe, t'auras pas ton marteau. C'est pas la première fois que tu nous le sors là. Non, c'est mon slogan. C'est son slogan, oui, c'est un ça. Marteau par famille. C'est bon. C'est pas moi. Il y en a qui font avec des promesses, moi, c'est des tu marteaux. Tu vas l'avoir ton marteau. Voilà. Est-ce qu'on te dit merci? T'as-tu un dernier conseil pour les enfants qui nous écoutent? Ben, bien manger, faire de l'exercice, puis si elle s'était écartée au lieu de s'écartiller, le petit chaperon rouge serait, se serait fait manger, mais elle serait pas morte, Tommy. C'est excellent. Merci beaucoup, Mathieu. Reste pas loin, mon gars, parce que tu vas voir, on va écouter une affaire bien spéciale d'un gars qui vient du Japon. Ouais. Ben, en fait, une madame, je sais pas trop où, là. Puis merci, Mathieu. Yo. Merci, ben gros. Watch out for bulimia. Don't binge, don't purge, eat a healthy diet, be good to your body, treat your body good, bulimia will hurt you, you might puke up a tiny man and ça, c'est pas beau, il y a rien qui l'est, c'est sûr et certain. C'est Stéphanie Pas-de-Cheveux. Salut Stéphanie. Salut. Hey, t'es notre nouvelle chroniqueuse à 70%. Ben oui. Amatrice de bacon niveau 10. T'es gentil, en plus, tu m'as mis niveau 10 pour une première chronique. Ben oui, mais c'est pas la première fois que t'aimes le bacon non plus, là. Non, c'est ça. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Stéphanie Gallagher? Ben, j'ai voulu y aller un peu concept avec mes magnifiques cheveux. Donc, je vais parler aujourd'hui de cheveux dans les jeux vidéo. OK. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Tommy m'a nommé Stéphanie Gallagher, aussi appelée Bacon. Donc, je commence en vous disant, je ne sais pas si vous saviez, Mario Bros, quand ils l'ont créé, il ne savait pas trop quoi faire avec ses cheveux, donc ils lui ont mis un chapeau sur la tête. J'avais songé aujourd'hui, mais je me suis dit non, écoute, je m'assume dans toute mon apparence, ma splendeur invisible. C'est un peu aussi ce qu'ils ont fait avec son nez. Donc, ils ne savaient pas trop quoi faire avec son nez. Ils ont décidé de lui faire une moustache. Donc, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, je vous ai fait un beau top 5 des cheveux dans les jeux vidéo. Ouh, en ordre bon, chronologique, ça. En plus, je vous ai classé ça. Eh hey boy, t'es pas fini trop essoufflé? Ah non, je devrais survivre. en 1991, Guile, dans les séries de Street Fighter, Les concepteurs ont suggéré que Guile soit développé spécifiquement pour plaire aux fans américains. On voit que sa belle apparence de coupe assez carrée, elle a l'air un peu pratique. On pourrait quasiment s'en servir comme tablette. Ben, si on voit des gens qui ont fait du beau cosplay. Je t'ai mis un après l'autre de même, voilà. Je me pouvais plus. C'était assez sexy quand même. Ouais, ouais. C'est du pré-Paul Phoenix. Guile, est-ce que tu vas parler de Paul Phoenix? Ah, ben, il faut pas spoiler le punch. Ah, excusez. Le punch. Écoute, c'est important. Là, mais j'avoue. Que je paraisse bien, là, c'est ma première chronique. Excusez-moi. Donc, c'est ça. Donc, à ce qui paraît aussi, Guile se procurait en commande spéciale à l'armée des fixatifs pour s'assurer de toujours avoir ses cheveux vers le haut. Mm. De source d'un magazine de Capcom. Quand même. C'est une source sûre. Pas n'importe quoi. On se rappelle que souvent aussi, quand il gagnait, ben, il se repeignait. C'était son réflexe de victorieux d'aller faire sûr que tout était correct là. C'est ça. Fait qu'en plus, en commande spéciale de l'armée, on prend pas de chance. ça commence bien. On a eu Mario, on a eu Guile. Ça va être qui après? Car en 94, Paul Phoenix, dans les séries du jeu Tekken. Un magnifique motocycliste qui a semblé avoir inspiré son style capillaire de Guile. Moi, je dis qu'il l'a copié. Oui, oui, c'est franchement, là, gars, ici, on a une belle image de Paul Phoenix. Oh, oui, c'est il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il y a même l'attitude qui est pareille à celle de Guile. Et c'est un des seuls personnages américains du jeu aussi, je pense, en plus. Oui, en plus. Ouais. Fait que fallait qu'il se démarque aussi, quand même. On voit aussi un petit peu la coupe tablette de Paul Phoenix. Il pratiquait entre autres un mélange de judo et de karaté. Il était bien trop fort dans Tekken. C'était le bonhomme pour les débutants. Mais non, c'était bon. À part Eddie, là. Ouais, Paul, niveau intermédiaire, il était fort en Chris. Non, Paul, c'était le full fafa. On va commencer à se tourner, ça. Toi, fais ta chronique, on parle Tekken. Oh, c'est ça. Donc, évidemment, est-ce qu'il utilisait le même fixatif que Guile? Je pense que la question est aussi importante que répondable. Il faudrait demander à Capcom si on parlait à... Voyons, Tekken, c'est quoi? Oui, il faudrait retrouver le magazine de Capcom de 1991 pour être sûr. T'sais. Et voilà. Mais sinon, on te suit. Là, à date, ça va bien, les belles coupes de cheveux. En 2001, Seymour Guado... de Final Fantasy X qui à l'époque était disponible sur PlayStation 2. Je vais prendre un moment de silence. Mais là, il n'y a personne qui a des cheveux de même. Donc, le principal antagoniste du jeu, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il a vraiment fait un effort pour sa coupe de cheveux. Ben là, c'est pas un effort, ça, là c'est... Hey, as-tu vu ça, toi? Toutes les angles sont calculés aussi, là. Je suis sûr qu'il y a le nombre de filles là-dedans, tu sais. Ouais, ben, je sais pas, ça ressemble un peu à un mélange de guidon de vélo. ouais, j'aime ça. Comme un genre de poignée. Tu sais, je sais pas si ça insinuait quelque chose. C'est des bois. Il est pair au début de l'hiver, là, puis... Ouais, ben oui, effectivement, ça ressemble ça à des sœurs. Hey, check l'autre. Genre de voir le cosplay qui va avec. Ça a l'air pratique, tu sais, ouais, dans certaines situations, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu peux avoir l'air d'être trois tandis que t'es tout seul. Tu peux donner un coup de genou d'en face, c'est une bonne poignée. Oh boy. Il y a plein de monde, en plus, qui se sont... C'est... Oui. Il y a eu des gens qui se sont même inspirés de cette magnifique coupe, écoute. Sapristi, as-tu vu ça? T'es perdu dans ses cheveux. Puis là, ce qui est pratique aussi, c'est que t'as comme une espèce de barre qui détruit ta vision juste en avant de toi. Tu sais, quand t'es un personnage qui est habitué à se battre, c'est important que t'aies des cheveux devant tes yeux. Ben, ça, je pense que c'est pour prouver qu'il est bon. Il dit, je vais faire exprès de mettre un handicap, tu sais. Ouais, comme ça va prouver encore plus que je suis bon au combat parce que je fais exprès de me... Comme dans la fille dans le G.I. Joe. J'aime bien ton attitude. Ouais, ouais, comme le disait mon maître ninja qui était aveugle. Ouais. Et on ne voit bien qu'avec les yeux du cœur de l'intérieur, l'essentiel... T'es pas Jerry Boulet? G.I. Joe Boulet, là. Ouais, c'est ça. Pour moi, ils se tenaient ensemble. Ouais, c'est ça. Hey, Stéphanie, je pense que je viens de te blesser un punch, le gars. J'ai mis la photo de celui qui a l'air d'avoir un Edinburgh dans le toupet. Ben, écoute, ça, c'est Darion Cresson dans Ace Attorney. C'est un guitariste accusé d'avoir transporté un poison illégal. Supposément que sa coupe de cheveux est inspirée d'un requin. Ah, sacré. Ouais, dès que j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à un requin. Ouais. Oui. Il n'y a pas à dire. Oui, j'ai vraiment... Il y a eu de la recherche dans ça, mais c'est pour moi, ils ont... Hey, as-tu vu l'autre? Call! Ça, c'est des trucs qu'il ne faut pas appliquer en recherche d'emploi. C'est rare que la personne qui fait du cosplay en met plus... Ouais. Que la personne qu'elle essaye d'imiter. Que le personnage de Mango qui est déjà une caricature. Ouais. Je pense que... Bon, en tout cas, ça, c'était mon préféré. J'aime ça. Dans le dernier dans mon top 5, en 2009, le General Lion White dans le dirigeant du Hair Metal Militia. Hair Metal Militia. Militia. Okay. La milice du métal de cheveux. Dans Brutal Legend, il y avait. Je sais même pas si à ce point-là on peut appeler ça une coupe de cheveux. Écoute, on va le juger comme il faut aujourd'hui. Moi, je pense que c'est un esprit japonais qui a décidé de prendre le contrôle, là, comme le renard au neuf queues. Mais c'est quand même. Je veux prendre un moment de silence pour celui-là aussi. C'est quand même pas drôle, la vie de personnage de jeux vidéo. Le général, il a été victime de discrimination. S'est fait notamment appeler General Poodle Hair, en français, Général Poil de Caniche. Tabarnak. Hey. Non. Non, mais... Il a décidé de rebondir là-dessus, puis... En plus, par Ophélia, qui est le personnage principal féminin du jeu. C'est renversant. Merci. On est tout à terre. J'en peux plus. Je suis renversé. Si c'était pas qu'il y avait eu du monde autour, j'aurais un peu pleuré. Pour le gars qui se fait appeler Poodle Air. Ça, je vais finir ça sur une belle note, sur un proverbe du philosophe allemand Arthur Schopenhauer. Qu'on voit à l'écran en ce moment. Que tout le monde reconnaît par son nom. Qui apparemment s'inspirait de la philosophie de Platon et d'Emmanuel Kant, qui disait « La femme est un animal à cheveux longs et à idées courtes. » Mais c'était surtout des personnages masculins quand même que tu nous as présentés. Ouais, mais c'est, j'ai un peu voulu me chercher une citation philosophique qui parlait de cheveux finalement, puis ouais. C'est la seule que t'as trouvée. Ben, il y en avait un autre, c'était un proverbe français, j'ai oublié, mais ça avait à peu près autant de profondeur. Loin des cheveux, loin du cœur. Loin des cheveux. Ah ben, merci beaucoup, Stéphanie. Ben, merci de m'avoir invité. Ben, pour une première, ça a très bien été. On espère te revoir dans le futur. Puis sinon, ben, check ben, on s'en va voir un gars qui, lui aussi, s'est fait faire des coupes de cheveux spéciales, passer comme un Superman de mes deux de « Je dis que le monde est bizarre » à 70%. Merci, Stéphanie. Merci. Nagpatangos ng ilong. Nagpa-eject ng silicone sa labi. At nagpalagay ng implant sa hita. Ilan lang ito sa ipinaritoke ng 35 anyos na si Herbert Chavez. Para maging kamukha ang iniidolong si Superman. Bata pa lang, hanga na siya sa superhero. Katunayan sa dami ng kanyang Superman memorabilia, nagpatayo pa siya ng bahay para dito. Pero di daw siya nakontento. At gusto ko ng costume suit, parang hindi naman mukha si Superman. So, nag-decide ako na unti-unti hanggang sa nakaipon na pagaya na talaga yung mukha ni Superman. 1995, unang nagpa-plastic surgery si Herbert. So, ito yung picture ko talaga before. Ilan taong ka nito? Okay, une histoire un petit peu spéciale ici. Le gars, dans le fond, c'est qu'il a subi des... il a payé pour avoir des chirurgies esthétiques. Pour ressembler au plus gay de tous les super-héros. Gustong iparitoke ang pageant trainer. Plano niya ring ipabago ang kanyang ilong gaya ng kay Christopher Reeves o Brandon Routh. Pero tinanggihan na siya ng plastic surgeon. Kahit gusto ko yung ilong na mas medyo mas matangos, parang hindi na kababagal kasi medyo mas maliit Asian Pinoy yung look ko. Pangarap din sumailalim ni Herbert sa isang operasyon sa Japan para tumangkad. Nalubhang peligroso. Ah oui, bah oui. C'est des mains. nous amène en studio avec la très charmante Marianne qui va faire... Lâche-moi avec Marie-Carmen. Qu'est-ce que vous avez avec Marie-Carmen aujourd'hui? Et toi, Tommy? Qu'est-ce que t'as aujourd'hui avec Marie-Carmen? Je lui donne la place qu'elle mérite. Tu nous fais redécouvrir de très beaux classiques aujourd'hui, Tommy. Redécouvrons. De quoi tu vas nous parler, toi? Ben écoute, je vais faire comme toi, hein? Je vais me rendre utile. Oh. Parce que, tu vois, à travers la vie, je me suis souvent obstinée avec les gens, surtout avec les filles. On voit le comportement au printemps, tu sais, quand tu te promènes sur le bord du Mont-Royal ou dans le parc Fontaine. Ben c'est ça, moi je vous parle d'abeilles aujourd'hui parce que les abeilles c'est pas des guêpes et c'est pas des thons et c'est encore moins des frelons. Donc on va les différencier aujourd'hui. C'est vraiment encore moins des frelons? C'est encore moins des frelons. Okay, c'est bon. Les frelons, c'est l'ennemi numéro un des abeilles. D'ailleurs, je vais en parler plus tard. En attendant, on y va fort. Au-dessus de ma tête, ce que vous voyez ici, c'est... Ah, on va aller dans l'autre sens. Dans ce coin-ci, ce sont les abeilles domestiques qu'on peut voir. Ici, ce sont les faux bourdons. De l'autre côté, on a l'abeille qui est beaucoup plus longue, en fait, que l'ouvrière. Et ce qu'on a en bas, juste à côté, c'est des nids naturels d'abeilles qu'on voit tout bien rangés de ce côté-ci. Voilà. Et puis, juste en dessous, ce sont les ruches que l'homme a adaptées, en fait, pour nos amis les abeilles. Parce que ça fait vraiment très longtemps qu'on a une relation avec les abeilles. Le savais-tu, Tommy? Ben oui. Parce qu'en fait, ils ont trouvé du miel dans des pyramides vieilles de 4000 ans et le miel était encore comestible. Donc ça fait vraiment très, très longtemps. Donc, en fait, ce qui différencie l'abeille est plus petite que la guêpe. Donc, la guêpe mesure de 10 à 19 mm. La guêpe se nourrit de sucre de fruits en décomposition et parfois de miel provenant des ruches. Donc, elles attaquent les ruches des abeilles. Pour nourrir les larves, les guêpes doivent chasser d'autres insectes qu'elles coupent en petits morceaux. Certaines ont directement dans le corps de la proie piquée, puis le stockent dans leur nid. Après avoir mastiqué les morceaux de viande, elles les servent à leurs larves. Les guêpes ne produisent donc pas de miel. C'est une grande différence. Et les abeilles sont super cute avec leurs petits poils. Puis c'est vraiment tranquille, hein? C'est chill des abeilles, tu le savais-tu? Ben, ça attaque pas souvent parce que quand ils piquent, ils perdent leur vie. Exactement. Il y a mieux garder ça pour... D'ailleurs, c'est ça, les frelons et les guêpes sont des insectes qui, eux, gardent leur dard. Donc, c'est ça, au niveau du bourdon, le bourdon, c'est celui qu'on voit juste là. Yeah, je suis dessus. C'est la grosse bête, en fait. C'est celui qu'on entend, qu'on appelle les gros barbeaux aussi, ou bien sinon... Les Boeing, là. Ouais, les Boeing. C'est comme ça qu'on parle vraiment au printemps, là. Quand tu sors ta main, là, sur le bord de l'autoroute, là, dans le char, là, quand t'es flou, pac! C'est ça. C'est toujours le fun à se manger dans plein milieu de la main. Puis, c'est ça. Donc, ça fait partie de la famille des apidés, comme les abeilles. Puis, de règle générale, vont faire leur nid sous terre. Les frelons, eux, peuvent atteindre jusqu'à 45 mm de longueur. Les frelons japonais sont une des hantises de nos petites abeilles domestiques qu'on a ici, au Québec, et un peu partout à travers le monde, parce qu'elles détruisent littéralement les nids, attaquent les abeilles délibérément et se nourrissent du miel. Elles sont très agressives, il faut faire attention. Donc, il existe 20 000 espèces d'abeilles domestiques. Comment? 20 000. En fait, c'est dans le style de l'abeille domestique. Il y a 100 000 espèces de hyménoptères, en fait. Sauf que 20 000 espèces d'abeilles. On prend des notes, c'est à l'examen. Oui, absolument. Elles ont 5 yeux qui leur donnent une très bonne vision périphérique. Une colonie peut contenir jusqu'à 50 000 individus et vit en moyenne de 30 à 45 jours. C'est une société aux mailles serrées qui ont chacune leur tâche qui est attitrée selon la maturité physiologique. En passant par les nettoyeuses, les architectes, les ventileuses, les gardiennes, butineuses. Ben, les butineuses, c'est le poste le plus haut avant d'être reine. Puis c'est ça, elles vont nettoyer la ruche et tout. C'est les premières choses qu'elles vont faire entre de 5 à 8 jours. Puis après ça, on va tomber dans les ventileuses, dans les pouponnières et tout. Ce qui est intéressant de voir, c'est comment la... En tout cas, je pourrais en dire vraiment longtemps, Tommy, mais je vais quand même... J'ai une question avant que tu t'en ailles trop loin. Là. Oui. Les faux bourdons, là, ça pique-tu, ça? C'est... En fait, les faux bourdons, ce sont les mâles des abeilles. Les mâles abeilles. Okay. C'est les mâles abeilles. Mais fait que lui, là, celui, c'est le gros tas, là? Non. Ça, c'est un bourdon. C'est un bourdon. OK, puis le bourdon, est-ce qu'il pique, lui? Le bourdon aussi. En fait, c'est toutes des espèces qui piquent. Okay. À la différence, sauf le thon, parce qu'il ne faut pas mélanger. On dit souvent un thon, mais c'est pas un thon. Un bourdon, c'est la grosse cochonnerie que j'ai au-dessus de la tête. C'est ça. Puis l'autre, c'est un thon. On appelle en fait le nom, le vrai nom de cette affaire-là, c'est un tabanidé. C'est comme ça qu'on l'appelle le tan. En fait, parce que A-O-N, ça fait tan au lieu de ton. Et celui-là, ben en fait, c'est ces merveilleuses bêtes qui nous arrachent la peau à longueur d'été dans les Laurentides. Ah, ceux-là, ils prennent un morceau de puis ils vont le manger sur une branche. Là, exactement. Ça, c'est un temps. Donc, c'est du ça. Du corbin take-out. Mais pourquoi je te parle d'abeilles aujourd'hui, Tommy? Ben, je sais pas. Parce que tout simplement, c'est que aujourd'hui, depuis environ 1990, depuis l'arrivée des insecticides, des pesticides et compagnie, on a vu une chute drastique de ces gentilles bêtes qui, en fait, c'est vraiment fou parce que à travers le monde, tu vois, on utilise les abeilles pour polliniser parce que ce sont des pollinisatrices, on s'entend. Par exemple, si on les utilise pour les amandiers en Californie, les amandiers de Californie sont déjà des espèces transgéniques où est-ce qu'on juxtapose à ça des insecticides et tout ce que tu voudras. Les abeilles sont déplacées de partout à travers le monde pour être amenées là. Ils mangent les pesticides, on enlève tout le pollen, puis tout ce qui pourrait arriver comme comestible et bon pour leur santé, on le remplace par des antibiotiques et du sucre non naturel. Fait qu'elles s'épuisent, elles détruisent leur système immunitaire et les parasites embarquent dessus. Ce que ça fait, c'est que ces abeilles-là sont redistribuées à travers le monde et contaminent toutes les populations environnantes. Mais Tommy, comme je dis tout le temps que j'ai une bonne nouvelle à travers tout ça. Hein? Ben oui, ben oui. Ben la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire que les choses changent. Parce que en Allemagne, il y a des plants de tournesol qui étaient OGM. En fait, les grains de tournesol étaient eux-mêmes OGMisés pour être néfastes pour les insectes. Donc, il n'y avait même pas besoin d'avoir de l'insecticide déposé sur les plantes. On a changé ces plants-là pour des plants originaux biologiques et les populations d'abeilles se sont rétablies, Tommy. Yeah! Ça veut dire qu'on peut changer les choses. Si vous allez sur ma page sur la boîte d'art Facebook, vous avez des documentaires très intéressants que j'y ai mis, d'ailleurs, sur Monsanto, sur le mystère, la disparition des abeilles, ainsi que des liens vers des pétitions que vous pouvez lire, hein? Vous pouvez signer et les partager avec vos amis. Alors, on peut changer le monde. Et je termine avec mon conseil yogique de la semaine. Si vous pensez être dans la possibilité de pouvoir aider quelqu'un, arrêtez d'y penser. Et faites-le. Merci, Marianne. Beau message. On est à 70%. Merci beaucoup. On prend une petite pause. On revient avec Giz qui revient du E3. Là. Il est en feu. Là. En plus, il est tout bronzé. Savoir ce que vous portez sous votre soutane. Vraiment, ma fille, je ne peux pas. Répondez, nom de Dieu. Que portez-vous sous votre soutane? Un caleçon à fleurs ou un beau slip bien rempli? Ou peut-être rien du tout, pour que votre joli petit cul soit tout nu et le reste aussi. Je vous en prie, ma fille, vous ne devez pas, non? Dites-moi, mon père, si vous ne faites jamais l'amour, vous devez avoir une belle paire de couilles et une queue comme un manche de pioche. Plusieurs légendes tournent autour de ce bout-là de la chanson de Marie Carmen. Mais si vous avez un début de solution, on aimerait savoir pourquoi ce bout-là existe. Didida, didida, da, da, da, didida, didida, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Fait que là, je l'ai pas laissé finir, fait qu'on a décidé de la finir. Et si va Marie-Carmen, elle est toute puissante. Est-ce que tu crois à ça, toi, qu'en 2012, elle va revenir puis elle va détruire la planète? En 2012? En 2013, mais oui, j'y crois. Moi, je suis sûr qu'elle se découpe avec un exacto pendant un bout de temps. Elle est contente. Elle aime ça. Fait que Giz, t'es allé aux States, ça va-tu aussi mal qu'on pense là-bas? Ben non, c'est beau, il fait chaud, c'est artificiel, j'adore ça. C'est artificiel, j'adore ça. Puis tu nous parles du E3 aujourd'hui? En fait, je suis allé à l'E3, puis j'ai tellement trippé, j'ai vu les nouvelles consoles, la nouvelle PS4, la nouvelle Xbox One, tous les jeux qui vont avec ça. J'ai vu vraiment plein de trucs, fait que ça m'a un peu donné envie de me recueillir, puis de revenir aux sources. Alors j'ai décidé de vous parler de... Bible Adventure. Oh, misère. Ah non, changez pas de poste, ça va durer 5 minutes. Non, mais c'est important de revenir aux sources puis de voir des jeux qui ont existé qui auraient peut-être pas dû. Oui, ben, peut-être que ça, c'est au sommet quand même. En tout cas, on ira pas sur ce slope-là. Parle-nous de Bible Adventure. Mais premièrement, ce qui est important de savoir avec Nintendo, c'est que Nintendo, il était illégal de faire des jeux à connotation religieuse. Donc, en partant, la compagnie qui a décidé de faire des jeux religieux, il a fallu qu'il y ait voir une compagnie illégale qui s'appelait Color Dream, qui était en fait une gang de hippies qui buvaient de la bière et qui fumaient des battes dans un studio à Los Angeles. Alors, j'ai des photos, Tommy, c'est important. Oui, avec plaisir. C'est... Alors voilà, on voit les gens en train de travailler sur... je vais te la grosser parce que quand même... C'est important, ils ont changé leur nom pour Wisdom Tree à ce moment-là. Pour essayer de repartir à zéro, parce que j'ai... Wisdom Tree, c'est l'arbre de la sagesse, l'arbre ça de la sonne sagesse. Très biblique. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce... Alors, on a nos champions ici. Je crois qu'on en a une deuxième ouais, aussi, ouais, qui ouais, est plus savoureuse. Avec plaisir. Hey, man, il y en a un, il est en bédaine. Je suis sûr que si on cherche, on va trouver des affaires illégales. Non, mais c'est important de savoir que ce jeu qui est d'une couleur excellente, je sais pas si ça va me faire un trou dans le corps parce qu'elle est comme un peu bleu poudre vert. Ouais, on va checker ça. Est-ce que je suis transparent? Est-ce qu'on me voit à travers? Ah, ça va pas l'air non, on la voit. Bible Adventure. As-tu vu, il n'y a aucune autre cassette sur ce format-là qui existe. Ça veut dire que ça n'a pas eu la fameuse licence de Nintendo qui a sauvé l'industrie des jeux vidéo. Exactement. C'est un jeu totalement illégal. Donc, la religion, c'est illégal. C'est ce que j'en fais comme conclusion. J'aimerais ça qu'on regarde ça parce que c'est un très vieux jeu. Donc, qui dit religion est très vieux, dit Ancien Testament. Exactement. Alors, j'aimerais ça qu'on parce que le nouveau n'était pas sorti dans ce temps-là. Dans je ne sais pas, je peux aller... je me suis pas informé. Alors, j'aimerais ça qu'on commence avec la première vidéo. Pis, Moi, j'ai Noé, Moïse, Goliath. Ah, ben regarde, fais-toi plaisir. Je vais pour Noé. Noé, parfait. Alors, fait on va là, commencer avec l'Arche de Noé. Alors, vous allez tout de suite voir que, dans le fond, c'est un peu Super Mario Bros. 2 copié. C'est-à-dire un personnage qui peut courir dans un environnement et ramasser à peu près n'importe quoi au-dessus de sa tête. Ouais, et puisqu'on joue Noé, un personnage mythique très vieux mais très puissant, on peut stacker plusieurs animaux au-dessus de notre tête. Ah, bizarre. Parce que Noé, c'est un badass. Mais ça? Alors, le but de ce magnifique jeu est de trouver un animal mâle et femelle de chacun et d'aller les porter dans l'arche. Hey, sacrément, il a pas fait ça à pied pour vrai, lui. Alors, on voit l'arche. Quand on saute, on échappe les animaux parce que même Noé a ses limites. Et il fallait bien qu'il y ait un peu de fun. Fait que donc, ça, c'est dans l'arche, là. Tous les bouts de bois qu'il y a. Ah, voilà la flèche. Alors voilà, on va porter l'animal dans l'arche et on est heureux. Comme vous voulez voir, j'ai l'air pas bon, mais je me force vraiment. C'est vraiment, les contrôles sont vraiment mauvais. C'est vraiment glissant, si on veut. C'est un peu comme si on était dans le monde de Mario, de la glace, mais qu'on glissait constamment. Ouais, ouais, c'est ouais. Très désagréable. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais, je me rappelle que le programmé, quand parce on qu'il court... il portait des sandales dans ce temps-là, ouais. ça glisse. Alors je sais pas si je vais recourir une autre fois, mais quand on court, Noé dépasse la vitesse de l'écran. Ce qui est complètement absurde, c'est juste une erreur de code. Un autre des pouvoirs que... Ah voilà. Ben oui. Donc Noé va plus vite que l'écran. Ah, c'est intelligent. Et quand on ramasse les petits parchemins, ça nous donne soit des trucs sur le jeu ou des conseils religieux. Des citations de la Bible du Gaulis. Et ça nous redonne de l'énergie, parce que les proverbes et les citations religieuses sont bonnes pour nous. Dans un moment, c'est ça. Et on s'en va maintenant vers Bébé Moïse, si je me fie à ce qu'on voit là. Oui, alors un jeu où il faut sauver Bébé Moïse de l'emprise des pharisiens, si ma religion est bonne, je ne suis pas sûr. C'est ça? Non, je suis désolé. Cas, le bébé, roi voulait le tuer, le bébé Moïse marchait pas, mais en fait, de Moïse, je pense que Je pense que c'est parce que Ramsay se l'avait oublié dans le lave-vaisselle, puis que Dieu a fait briller une feuille de sésame qui aurait transformé les couches des femmes en eau potable permettant de... Ça fait du sens. C'est ça. Ouais. Il marche pas le tape bébé du Moïse, bébé Moïse. Ne fonctionne pas, non, mon Dieu, désolé. Erreur technique. Dans ce cas-là, on passe tout de suite à David et Goliath, où on doit sauver des moutons. Ça me dit quelque chose, ce jeu-là. Ouais, il me semble que j'ai déjà vu un jeu qui ressemblait à ça. Tu stackais des animaux, là, puis tu pouvais te promener, puis pogner des... Hey, même son énergie au bonhomme, hein, c'est comme des bouts de tablettes d'écriture. Hein. Ouais, oui. c'est comme des testaments. Ouais, c'est ça. C'est comme des commandements. C'est des commandements. T'as-tu déjà vu la fin de ça? J'ai pas eu la patience, mais heureusement, la fin est dessinée derrière la pochette pour nous voir quand on se bat contre Goliath, parce que je connais personne qui s'est vraiment rendu jusque-là. OK. Ah ouais, le boss de la fin étant Goliath. Le boss de la fin étant Goliath, puis qu'on doit devoir slingshotter des roches dans sa face, je suppose. Normalement, ça devrait être juste une roche, en fait, que tu slingshots dans sa face. Ouais, non, le combat, c'était pas de même pantoute. Ah, j'aime ça, le green screen. Il a inventé la rotative à cailloux, là. Ah oui, le slingshot rotatif. Ouais, c'est ça. Le slingshot rotatif de David. On est dans deux mondes. La fronde rotative. Et voilà, ça nous amène à la fin de ses aventures de « Hey, qu'est-ce qu'il fait là, lui? » Mais c'est un peu triste, on n'a pas pu voir Bébé Moïse, qui est un jeu exactement pareil, sauf qu'au lieu de pouvoir stacker des animaux sur notre tête, on peut juste stacker un bébé. Donc, on est la mère de Moïse ou une femme quelconque, je ne connais pas ma religion, et on doit courir à travers le niveau et sauver Bébé Moïse. Puis est-ce qu'on peut l'échapper, lui, quand on saute chaque aussi? Chaque fois qu'on se fait toucher, on échappe Bébé Moïse. Sacrément. Fait que c'est important parce que si on finit le niveau, il va y avoir un message qui va nous dire « Félicitations, vous avez terminé le niveau, mais vous avez oublié Bébé Moïse. » Et on va nous dire de recommencer. Puis si t'échappes souvent Bébé Moïse, ils vont te dire genre comme « Félicitations, vous avez terminé le niveau, mais Bébé Moïse a des lésions cérébrales et ne pourra pas libérer le peuple juif. » Non. Bon, ben, voilà, le jeu respecte l'histoire. Suivez-moi, bonne année, séparez les zones. Qu'est-ce que tu fais là, Moïse? Il y a de l'eau. Ne pas. Traverser l'eau. Fait que sinon, ça brasse-tu à Los Angeles à part les trous? Je trouve ça le fun que t'aies été au E3 à Los Angeles puis que tu nous ramènes Bible Adventure. Moi, c'est... les jeux récents, là, j'ai comme un peu lâché. À partir du moment que j'ai pas de fun, j'aime pas ça. Mais sérieusement, si vous avez suivi un peu qu'est-ce qui s'est passé, juste pour faire une petite parenthèse vraiment courte, PS4, je crois qu'ils ont vraiment gagné le combat avec une petite vidéo qu'ils ont faite de leur chambre d'hôtel à l'E3. Pour faire un petit résumé, la Xbox One, si vous voulez échanger un jeu, vous devez aller au magasin avec la personne pour que les deux signent. C'est comme plus compliqué que vendre un gun à quelqu'un. Ouais. Même aux États-Unis, ce qui n'est pas peu dire. Et puis, la PS4 a sorti une vidéo qui disait « Alors, voici comment échanger les jeux chez PS4. » Fait que là, t'as les deux gars, les deux présidents ou VP, je sais pas quoi. Il prend un jeu, il le donne à l'autre. L'autre dit « Merci. » La vidéo finit comme ça. Et voilà. Pas besoin de se plugger, pas besoin d'aller voir le détaillant, ouais, pas parce besoin que c'est ça, de... le Xbox qui s'appelle, je pense, le nouveau Xbox qui s'appelle le Xbox Fuck You, je pense. Ouais, ouais. C'est ça. Ah ben, merci bien gros, Guiz. Ben, merci, Tommy. On va revenir la semaine prochaine avec d'autres affaires, mais là, pour l'instant, restez avec nous parce qu'on va écouter un petit dernier clip puis on déboule la fin de l'émission avec les fins de... les nouvelles de... Alors, Heath Campbell, l'homme connu pour avoir nommé son fils Adolf Hitler, est de retour dans les nouvelles. Ah, puis ça, il avait nommé sa fille Aryan Race aussi. Il y avait Aryan Nation. Jocelyn, ouais. Joycelyn Aryan Nation. oui. C'est un paquet de troubles. Et Hanslin Hinler Jenine aussi. Cette fois-ci, il essaie d'avoir les droits de visite sur son dernier né, Hans, qui est, soit disant passant, le seul de ses quatre enfants à ne pas avoir un nom évoquant l'Allemagne nazie. Hans, en tout cas. Il est allé dans le même panier. Pas l'Allemagne nazie. Ouais, c'est ça. Voilà. On peut s'appeler Hans et ne pas le. Voilà. L'enfant avait été retiré de sa garde quelques heures après sa naissance. En novembre 2011. Entre-temps, Campbell a fondé le mouvement pro-nazi Hitler's Ordeal, ou l'épreuve d'Hitler. L'homme affirme aimer ses enfants et demande de prouver à l'État qu'il peut être un bon père. Il s'est présenté au tribunal en uniforme militant nazi. Avec la moustache de Charlie Chaplin. Oui, exactement. Sacrément. Lorsqu'interrogé à savoir s'il croyait que son accoutrement était approprié à la situation, l'homme a répondu: s'ils sont de bons juges et de bonnes personnes, ils regarderont ce qu'il y a à l'intérieur et pas ce qu'il y a à l'extérieur, tombant ainsi dans le panneau du journaliste en supposant qu'il y a clairement quelque chose qui cloche dans son habillement. Ben oui, c'est... Ben oui, il y a comme... Voyons. OK, fait que lui, ça... Ouais. OK, fait que là, mettons... Non. C'est pour des enfants, là. C'est pas pour faire valoir un point, là. Il y a un moment donné... C'est tout, Tommy. C'est pas ton orgueil tout à toi qui est... Tout est dans tout, Tommy. Jusqu'où? J'ai là... Sacrement, mon gars. Fait que là, comment ça a fini? Ils ont ri de lui en le pointant du doigt, puis son enfant, il a dit tant mieux, j'en ai pas assez proche, là. Ben, je pense pas que son enfant a dit grand-chose, parce qu'il est né en novembre. Ah, ben, il pense, man. Hey, let's go pour une autre. T'en reste quoi? Il t'en reste deux. Celle-là est comme semi-triste, là, mais en tout cas. Un homme a été arrêté par la police semi-triste. D'Ocala, en Floride, après avoir tué trois de ses collègues de travail. Ah, ouais. Andrew Joseph Loben a confessé le crime, affirmant qu'il était fâché après ses collègues qui s'étaient moqués de son manque de talent au tir à l'arme à feu. L'homme, c'est donc ben sans dessin. L'homme affirme que l'une des victimes aurait trafiqué son arme, ce qui explique son manque de talent et le fait qu'il aurait tué trois personnes au lieu de simplement leur faire peur avec son gun. Il fait face à trois accusations de meurtre au premier degré. Après c'est ça. Mettons qu'il y a eu une erreur. Je t'ai tué. On va essayer deux autres fois pour être sûr. C'est tout sorti en spray. Je suis pas poche, là. Fait que t'as-tu fini avec ça? Il m'en reste une. Let's go, mon gars. Leonard Burdick de Salem en Oregon, est obsédé par l'épellation. Il est entré dans un édifice gouvernemental menaçant de faire exploser la pancarte parce qu'elle contenait une faute. En effet, il semble que la lettre N ait été omise du mot end lors de la conception de la dite pancarte pour le Salem Teacher Standards and Practices Commission. L'homme de 50 ans, armé d'un presto, a informé les employés que sa tentative de démolition amateur n'avait pas été fructueuse puisque son explosif n'avait pas fonctionné. Il blâme, semble-t-il, son explosif de ne pas avoir fonctionné, mais surtout les instructions trouvées sur Internet qui, elles aussi, contenaient des fautes d'orthographe, semble-t-il. La police a trouvé Burdick à côté de son véhicule. Le presto n'avait pas été modifié de quelque façon que ce soit, ce qui nous mène à la conclusion que les instructions sur Internet disaient « Mettez un presto à côté de l'affaire à exploser et attendez que ça explose », ce qui porte à croire que la personne qui a donné ces instructions n'a testé la bombe qu'avec des hélicoptères. Ou encore, peut-être que Burdick voulait juste de l'attention. Pas de nouvelles. Merci beaucoup, Bruno. C'était des belles nouvelles, ça, cette semaine. Ce qui fait qu'on termine 70%. Restez en onde dans un petit clip de Alexandre. Vous allez voir, il est assez spécial, le gars. Je vous présente le film de ce soir, c'est Knights. Merci beaucoup, tout le monde. Merci à Bruno. Guiz, génial. Marianne, parfait. Stéphanie, merci beaucoup d'embarquer dans l'équipe. J'oublie Boudreau, mais c'est pas vrai que je l'oublie parce que j'en parle. Fuck Boudreau. Fuck Boudreau, jamais, man. Non, tu sais comment y est. Là-dessus, on écoute Alexandre, vous allez voir, il est spécial. Puis restez, on parle de Knights de 1993 juste après. C'est Alexandre Bouchard-Fortier. Bouchard-Fortier de Saint-Trône, Mont-Royal, de Sainte-Rose. Je suis un jeune homme de célibataire de Laval.